Entendez-vous la mer qui vole de la Madère au trépassé, dans le ressac ou dans la houle, luttent les gars jamais lassés. Sur l'aviron hardi marin, souqué, souqué, le dos en boule, puis